Merci. Let us pray right away. Prions tout de suite. Father, in the mighty name of Jesus. Père, au nom puissant de Jésus. Father, you see, we are gathered here today. Père, tu vois, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. To hear from you. Pour écouter de ta part. And to seek your counsel. Et à rechercher ton conseil. That we may get your direction. Pour que nous puissions recevoir ta direction. For the church and this nation. Pour l'Église et cette nation. That we may prepare. Pour que nous puissions nous préparer. In every way, Jehovah. Dans tous les aspects, Jehovah. Lord, I ask that you open the spiritual ears of these people. Seigneur, je prie que tu ouvres les yeux spirituels de ce peuple. And open their spiritual eyes. Et que tu ouvres leurs yeux spirituels. That they may get to hear this. Pour qu'ils puissent comprendre ceci. And to see this. Et voir ceci. And prepare for the glorious coming of the Messiah. Et se préparer pour la glorieux, le glorieux retour du Messie. That revival may consume this nation. Pour que le réveil consume cette nation. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. The Lord bless you. Le Seigneur vous bénisse. You can be seated in the presence of the Lord. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Hallelujah. Now listen to me, precious people. Alors écoutez-moi, peuple précieux. The Lord has sent me all over the earth. Le Seigneur m'a envoyé partout sur la terre. To prepare the church of Christ. Pour préparer l'église du Christ. For the glorious coming of the Messiah. Pour le retour glorieux du Messie. Let me share the second conversation. Alors je vais partager la deuxième conversation. Of the 3rd of May. Du 3 mai. 2007. 2007. 2007 I was in India. 2007 j'étais en Inde. In the city of Hyderabad. Dans la ville de Hyderabad. Bring revival there. Amenant le réveil là-bas. Announcing the coming of the Messiah. Annonçant la venue du Messie. Telling the Indians to stop worshiping the cow. Dire aux Indiens, disons aux Indiens d'arrêter d'adorer des bœufs. Stop the idol worship. Qu'ils arrêtent l'idolâtrie. And prepare for the coming of the Messiah. Et qu'ils se préparent pour la venue du Messie. Listen to me. Écoutez-moi. Then sharp 5:38 a.m. in the morning. 5:38. En fait, c'était même 5:38 le matin. The Lord came to speak with me again. Le Seigneur est venu parler avec moi une fois de plus. And so I saw the visions of the Lord. J'ai vu les visions du Seigneur. What did I see? Qu'est-ce que j'ai vu? In that vision, dans cette vision, the Lord showed me the thick dark sky. Le Seigneur m'a montré le ciel épais. Obscur. Very dark. Très obscur. Very, very dark. Très, très obscur. And then all of a sudden, alors soudainement, heaven opened into the thick dark sky. Le ciel s'est ouvert sur cette obscure épaisseur. When heaven opened into the thick dark sky, quand le ciel s'est ouvert dans cette épaisseur obscure, I saw the glory of the Lord beginning to come out. J'ai vu la gloire de Dieu qui commençait à sortir. From heaven into the dark sky, du ciel à travers cette obscurité. Then all of a sudden, alors soudainement, a huge golden clock, une grosse horloge en or, gold, en or, very big, très grosse, was lowered from heaven. A été descendu du ciel. Into the sky. Dans le ciel. Like this. Comme ceci. Let me repeat that. Je répète cela. Heaven opened. Les cieux se sont ouverts. Into the thick dark sky. Dans cette obscurité épaisse du ciel. And then all of a sudden. Et soudainement. A huge golden clock. Une grosse horloge en or. Was lowered into the dark sky. Est descendu dans cette épaisseur. Like this. De cette façon. Like that, shaking like that. Et ça tremblait comme cela. And when I looked at the face of the clock, et quand j'ai regardé à la face de cette horloge, I saw the hour hand. J'ai vu l'aiguille qui indique l'heure. Then the minute hand. Et j'ai vu l'aiguille des minutes. When I saw the hour hand and the minute hand, quand j'ai vu l'aiguille de l'heure et l'aiguille des minutes, I was very shocked. J'étais très choqué. Because I realized it was 1 minute to midnight. Parce que j'ai vu qu'il était minuit moins une minute. But when I looked at the long red second hand, lorsque j'ai vu cette aiguille longue qui montre les secondes, Red, red. Rouge. I saw it moving very fast like this, like this, like this. J'ai vu comment ça allait très vite comme ça, comme ça. The Lord made me know. Et le Seigneur m'a fait savoir. That when it strikes midnight. Que lorsque ça va frapper minuit. The Messiah comes. Le Messie va venir. Listen again, the second part now. Écoutez maintenant la deuxième partie. The second part of this vision. La deuxième partie de cette vision. The huge golden clock in the sky. Cette grosse horloge en or dans le ciel. It converted. S'est converti. The cloud covered half of it, the clouds. Les nuages ont couvert une partie, la moitié de cette horloge. And it became a huge writing in the sky, semicircle like this. C'est devenu comme une grosse écriture en termes d'arc. Semicircle. Un demi cercle dans le ciel. There was the first writing, the big ones above and the small ones under, following the face of the clock half. Alors il y avait cette grosse écriture et une autre écriture en dessous qui couvrait donc la moitié de l'horloge. There was the big writing above and the small one under. Il y avait donc cette grosse écriture et une autre plus petite en dessous. And then when I read, et alors quand j'ai lu, the upper one said, the large ones, la grosse écriture disait ceci. Jesus of Nazareth. Jésus de Nazareth. The inner one said, et la petite écriture en dessous disait, is coming. Arrive. Jesus of Nazareth is coming. Donc Jésus de Nazareth arrive. Now, listen very carefully. Alors écoutez très attentivement. Then I woke up. Alors je me suis réveillé. I woke up from that mighty vision of the Lord. Alors je me suis réveillé de cette puissante vision du Seigneur. What is the message of the Lord? Quel est le message du Seigneur? From the vision of the midnight hour. À partir de cette vision de l'heure de minuit. What is the message? Quel est le message? From that mighty vision of the midnight hour. À partir de cette vision de minuit. This is going to be very, very critical, this one here. Ce que je vais dire là est très, très déterminant, très critique. First of all, premièrement, the Bible says, la Bible dit, nobody knows the day or the hour. Mais nul ne sait ni l'heure ni le jour. Matthew 24, Matthieu 24, verses 36 on, à partir du verset 36 en montant, nobody knows the day or the hour. Nul ne sait ni l'heure ni le jour. So what is the message? Alors quel est le message? That the Lord brings to Cameroon. Que le Seigneur apporte au Cameroun. From the vision. À partir de la vision. When he showed me the midnight hour. Là il m'a montré le minuit. Listen to me very carefully, step by step. Écoutez-moi attentivement, pas à pas. Step by step. Pas à pas. Every time. Chaque fois. It is about to be midnight. On est sur le point d'être à minuit. Look at this now. Regardez à ceci. It means, cela signifie, that the old day is gone, que l'ancien jour est passé, and behold, the new day has arrived, et voici un nouveau jour qui arrive. And if I look at some of you, et si je regarde à certains d'entre vous, I see today, je vois aujourd'hui, that you are dressed, que vous êtes habillé, different from yesterday. Différemment d'hier. You are clothing today. Vos habits aujourd'hui. I see it's different from yesterday. Je vois cela différent d'hier. When the new day is coming. Lorsque le nouveau jour arrive. You must prepare for the new day. Vous devez vous préparer pour le jour nouveau. And he says. Et il dit. In the night, in the evening, yesterday. Hier soir, you must have gone back to where you are staying. Vous êtes sûrement rentré là où vous habitez. And wondered, et en vous demandant, what will I wear tomorrow? Qu'est-ce que je vais mettre demain? Even when you are going to the office, même lorsque vous allez au bureau, you must always prepare for the new day. Vous devez toujours vous préparer pour le nouveau jour. If you don't prepare, si vous ne vous préparez pas, you'll be in shame. Vous serez dans l'embarras, dans but la honte. Even the shoes, they prepare shoes. Même les chaussures, on les prépare. If you can prepare so well, si vous pouvez vous préparer autant, in the physical realm, dans le règne physique, for a 24-hour cycle, 24 hours, pour un cycle de 24 heures, How much more then? À combien plus forte raison alors? Should you prepare? Devez-vous vous préparer? For eternity. Pour l'éternité. If you can prepare so well for only 24 hours. Si vous pouvez autant vous préparer juste pour 24 heures. How much more then? À combien plus forte raison alors? Should you invest in preparing for eternity? Devrez-vous investir pour vous préparer pour l'éternité? And I said, et alors je dis, every time the Lord speaks, chaque fois que le Seigneur parle, the Bible is the reference. La Bible est la référence. If we go to the Bible, si nous allons dans la Bible, then we get the message. Alors nous saisissons le message. Listen to me now. Alors écoutez-moi maintenant. I want us to go to the Bible. Je veux que nous allions dans la Bible. And see. Pour voir. What does the Bible say? Ce que la Bible dit. About the midnight hour. À propos de la minuit. Is there anything? Est-ce qu'il y a quelque chose? In the Bible. Dans la Bible. About the midnight hour. À propos de minuit. That we as a church in Cameroon. Que nous en tant qu'église au Cameroun. Can borrow from there. Nous puissions emprunter. This is now the message. Voici le message. Everybody focus before we go to the Bible. Tout le monde concentrez-vous ici pour, avant qu'on aille à la Bible. When the children of Israel were in Egypt. Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte. There was brutal slavery. Il y avait l'esclavage brutal. There was serious slavery. Il y avait un esclavage très sérieux. Of abuse. Des abus. And when the slave masters. Et lorsque les maîtres d'esclaves. Became very abusive. Sont devenus très abusif. Listen. Then they cried, oh Jehovah. They cried to Jehovah. Alors le peuple a crié, a pleuré à Jehovah. The God of Jacob. Le Dieu de Jacob. The God of Israel. Le Dieu d'Israël. When they cried to the God of Jacob. Elles ont crié au Dieu de Jacob. Then the Lord heard. Alors le Seigneur a écouté. When the Lord heard their cry. Quand le Seigneur a écouté leur cri, when the Lord heard the cry of Israel, quand le Seigneur a écouté le cri d'Israël, then he decided, il a décidé, that he's going to deliver Israel, qu'il va délivrer Israël. And when he decided that he was going to deliver Israel, et lorsqu'il a décidé qu'il va délivrer Israël, he sent the Moses. Il a envoyé Moïse. But when he sent Moses, et lorsqu'il a envoyé Moïse, he gave Moses some instructions. Il a donné des instructions à Moïse. Number one. Première chose. He told Moses. Il a dit à Moïse. Go tell the house of Jacob. Va dire à la maison de Jacob. Tell them. Dis-leur. That I am coming to deliver them. Que je viens les délivrer. Tell them. Dis-leur. That their cry has reached me. Que leurs cris sont parvenus jusqu'à moi. And if their cry has reached me, et si leurs cris sont venus jusqu'à moi, I have decided, j'ai décidé, that I'm coming to deliver them. Que je viens les entrer. Everybody look at this now. Tout le monde regarde à ceci maintenant. He said, il dit, tell the house of Jacob, dit à la maison de Jacob, that their cry has reached me, que leur cri est monté jusqu'à and moi, and I have decided. I am coming to deliver them. Et je t'ai décidé que je viens les délivrer. And if I come to deliver them, et si je viens les délivrer, this is the instruction you must give them. Voici l'instruction que tu vas leur donner. Number one, première chose, I must come at the midnight hour. Premièrement, je viens à l'heure de minuit. Number one, premièrement, if I am coming to deliver the house of Jacob, si je viens pour délivrer la maison de Jacob, I must come to deliver them at the midnight hour. Je vais venir les délivrer à l'heure de minuit. Number two. Deuxièmement. If I come to deliver them at the midnight hour. Si je viens pour les délivrer à cette heure de minuit. Tell them. Dis-leur. They must prepare for the midnight hour. Ils doivent se préparer pour cette heure de minuit. Have you seen number one, midnight hour, number two, prepare? Est-ce que vous avez vu premièrement l'heure de minuit, deuxièmement, préparation. For the midnight hour. Pour l'heure de minuit. Number three. Troisièmement. If I come at the midnight hour. Si je viens à l'heure de minuit. To deliver Israel. Pour délivrer Israël. This is how Israel must prepare. Voici comment Israël doit se préparer. Number three. Troisièmement. They must look for a perfect lamb. Ils doivent chercher un agneau parfait. Without defect. Sans défaut. For the midnight hour. Pour l'heure de minuit. Listen. They must prepare for the midnight hour. Ils doivent se préparer pour l'heure de minuit. And this is how they must prepare. Et voici comment ils doivent se préparer. They must prepare by getting the perfect lamb without defect. Ils doivent se préparer en trouvant un agneau parfait sans défaut. Number four. Quatrièmement. When the midnight hour is very near. Quand la minuit devient très très proche. They must slaughter the perfect lamb. Without defect. Ils doivent égorger cet agneau parfait sans défaut. Sacrifice. Ils doivent sacrifier. And after they sacrifice. Et après le sacrifice. The perfect lamb without defect. Le sacrifice de l'agneau parfait sans défaut. They must take the perfect blood. Ils doivent prendre ce sang, le sang parfait. Of the perfect lamb. De l'agneau parfait. Without defect. Sans défaut. And when the midnight hour is near, et quand le minuit approche, they must sprinkle on the door frames. Ils vont asperger ça sur les portes. And the door posts. Sur les portes. Les linteaux des portes. Hallelujah. Take the perfect blood. Prendre le sang parfait. Of the perfect lamb. De l'agneau parfait. Without defect. Sans défaut. And put it on the doorpost. Et mettre cela sur le linteau des portes. And the door frames. Et sur les cadres des in portes. The houses where they live. Dans les maisons où ils habitent. And he says. Et il dit. When the midnight hour comes. Quand le minuit sera venu. Nothing else will matter to the Lord. Rien d'autre ne sera important pour le Seigneur. Nothing else. Rien d'autre. Oh, I used to worship here. Oh, j'adorais souvent ici. Oh, I used to baptize people. Oh, je baptisais les gens avant. I was the midwife giving birth to babies here. J'étais la sage-femme faisant accoucher. I used to be the baker baking bread. J'étais le boulanger qui faisait les pains. I was the doctor among the Israelites. I was the priest among the Israelites. J'étais le prêtre au milieu d'Israël. He says, il dit, when the midnight hour comes. Quand le minuit arrive, nothing else matters to Jehovah. Rien d'autre n'est important pour when Jehovah. He's coming to deliver Israel, lorsqu'il vient pour délivrer Israël, nothing will matter anymore. Rien n'aura de l'importance. Except one thing. À part une seule chose. When he's coming to judge the gods of Egypt, quand il vient pour juger les dieux de l'Égypte, the idol gods, ces dieux de l'idolâtrie, nothing will matter. Il n'y aura rien qui est except de l'importance. One thing. À part une seule chose. And he says, il dit, when I will see. Il dit, quand je verrai the perfect blood, le sang parfait, of the perfect lamb, de l'agneau parfait, I will deliver you. Je vous délivrerai. Did you understand that? Est-ce que vous comprenez cela? Let us now read the Bible and see what the Lord says. Alors, Exodus chapter 12. Exodus chapter 12. Exodus chapter 12. Good morning, Cameroon. Bonjour, Cameroon. It's a new day. C'est un nouveau jour. I told you. Je vous ai dit. I need to go to Russia and Ukraine and Japan. Je dois aller en Russie, en Ukraine et au Japon. I'm heading to Brazil. Je dois aller au Brésil. And I need to go to Guatemala. Je dois aller au Guatemala. Mexico is waiting. Le Mexique attend. And Thailand. Et le Thaïlande. And everywhere. Et partout. But today, I am here. Je suis ici. I am here today. Je suis ici aujourd'hui. That the Church of Christ, que l'Église du Christ may get to hear, peut commencer à écouter, that when she hears, quand elle écoute, she may prepare and enter. Qu'elle se prépare pour entrer. Exodus 12. Exodus 12. When you are at home, quand vous êtes à la maison, you can read the whole chapter. Vous pouvez lire tout le chapitre. About the midnight hour. À propos de l'heure de minuit. The message of the midnight hour. Le message de minuit. Exodus chapter 12. Exodus chapitre 12. I am taking verse 5. Je commence par le verset 5. The animals you choose must be year-old males without defect. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. If I were you, si j'étais à votre place, and I read, et je lis, and I meet the two words without defect, et je vois les deux mots sans défaut, I underline with a pen. Je devrais souligner cela avec un stylo. And he says, et il dit, the animals you choose, que l'animal que vous choisissez, must be year old males, doit être mâle, un mâle d'un an, without defect, sans défaut. The message of the midnight hour. Le message de minuit. It's a message without defect. C'est un message sans défaut. Good morning, Cameroon. Bonjour, Cameroun. And he says, et il dit, and you may take them from the sheep or from the goats. Verse 5. Verset 5 continue. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verse 6. Verset 6. Verse 7 says, verset 7 dit, they are to take some of the blood and put it on the sides and the tops of the door frames of the houses where they eat the lamb. Verset 7 dit, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où il le mangera. Verse 12 and verse 29. Verset 12 et verset 29. I said, at home you can read everything. J'ai dit, à la maison, vous pourrez tout lire. But now I pick some few and then I will explain. Maintenant, je prends quelques éléments et j'explique. Verse 12. Verset 12. Verse 12, he says, verset 12 dit, on that same night, I will pass through Egypt and strike down every firstborn, both men and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. Verset 12 dit ceci. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verse 29, then I will explain to you. Verset 29, puis je vais vous donner les explications. At midnight, the Lord struck down all the firstborn of Egypt, from the firstborn of Pharaoh, who sat on the throne, to the firstborn of the prisoner who was in the dungeon, and the firstborn of all the livestock as well. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Alléluia. Everybody listen to me very well. Tout le monde écoutez-moi très bien. Listen very well here now. Écoutez très bien ici. Focus on me now. Focalisez-vous sur moi maintenant. What is the message of the vision of the midnight clock? Quel est le message de la vision de l'horloge de minuit? Of the midnight hour that the Lord showed me. De l'heure de minuit que le Seigneur m'a montré. What is the message to this nation, the beautiful nation of Cameroon? Quel est le message à cette nation, cette belle nation du Cameroun? Listen to this now. Écoutez ceci maintenant. He says, il dit, that you, que vous, you worship the same God of Israel. Vous adorez le même Dieu qu'Israël. And the God of Israel, et le Dieu d'Israël, that you also worship, que vous adorez aussi. He spoke to Israel about the midnight hour. Elle a parlé à Israël de l'heure de minuit. And when he spoke with Israel about the midnight hour, et lorsqu'il a parlé avec Israël de l'heure de minuit, he gave Israel certain conditions for the midnight hour. Il a donné à Israël certaines conditions pour l'heure de minuit. Even us, même nous, if we go to the Bible, si nous allons dans la Bible, then we can understand, alors nous pouvons comprendre, the conditions of Jehovah, les conditions de Jéhovah, for the midnight hour, pour l'heure de minuit. And listen to this. Et écoutez ceci. He told Israel, il a dit à Israël, that when the midnight hour comes, que lorsque l'heure de minuit arrive, nothing else will matter, rien d'autre n'aura de l'importance, but only one thing, mais une seule chose, that when he comes, c'est que lorsqu'il vient, he finds, il sees, il voit, the perfect blood, le sang parfait, of the perfect de l'agneau parfait. And when he sees, et lorsqu'il voit, the perfect blood, le sang parfait, of the perfect lamb, de l'agneau parfait, he will pass over. Il va passer. He will deliver you. Il va vous délivrer. He will save you. Il va vous sauver. As he brings judgment on the gods of this world. En même temps qu'il apportera le jugement contre les dieux de ce monde. And he says, et il dit, he is coming, sa venue, to strike down, il vient pour frapper, the firstborn, les premiers-nés, everybody, tout le monde, from the king, depuis le roi, to the poorest, aux plus pauvres, all the animals, tous les animaux, the firstborn, les premiers-nés. But he told Israel, mais il a dit à Israël, but for you, mais en ce qui te concerne, when the midnight is near, quand la minuit approche, you must now take, vous allez maintenant prendre, a perfect lamb, un agneau parfait, without defect, sans défaut, and you must slaughter, et tu vas égorger, the perfect lamb, l'agneau parfait, without defect, sans défaut, and then you must take, et alors tu vas prendre, the perfect blood, le sang parfait, of the perfect lamb, de l'agneau parfait, without defect, sans défaut, and use it to cover where you stay, et utiliser cela pour couvrir là où vous êtes. So when I come to judge the firstborns, pourquoi quand je viens juger les premiers nés, I will not strike your firstborns, je ne vais pas frapper vos premiers nés. What is the message here? Quel est le message ici? Everybody focus on me now. Tout le monde, focalisez-vous sur moi. This maintenant. Is very critical now. Ceci est très critique, déterminant maintenant. What is the message to the church in Cameroon? Quel est le message à l'église du Cameroun? Listen to this now. Écoutez ceci maintenant. We know very well. Nous savons très bien que. We know it too well. Nous le savons peut-être trop bien. That for Israel. Que pour Israël. The Lord was essentially saying. Dieu était essentiellement en train de dire to Israel, à Israël, that I must fulfill the law of judgment, que je dois accomplir la loi du jugement. But mais, for you, mais pour vous, if you will take, si vous prenez a perfect lamb, un agneau parfait, without mistake, sans erreur, and you sacrifice, et vous sacrifiez, and take the blood, et vous prenez le sang. That will represent, cela va représenter, the firstborn of heaven, cela va représenter le premier né du ciel. He says, il dit, but for you, mais pour vous, because you are my covenant people, parce que vous êtes mon peuple de l'alliance, if you will take, si vous prenez, the perfect lamb, l'agneau parfait, without defect, sans défaut, and pour the blood, et vous prenez le sang, of the perfect lamb, de cet agneau parfait, it will represent, cela va représenter, the firstborn of heaven, le premier né des ciels, that was offered, qui a été donné, during the laying of the foundation of the earth, pendant la fondation de la terre est en train d'être plantée. Very powerful, très puissant. He says, il dit, that John chapter 1 verse 29, que Jean chapitre 1 verset 29, John chapter 1 verse 29, Jean chapitre 1 verset 29, John 1 29, Jean 1 29, John 1 29, Jean 1 29, can I read it? Est-ce que je peux lire cela? John chapter 1 verse 29. Jean chapitre 1 verset 29. I am now talking to the Church of Christ in Cameroon. Maintenant je parle à l'église du Christ au Cameroun. And he says, il dit, the next day John saw Jesus coming toward him and he said, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Le lendemain il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. He said, voici. Look, the Lamb of God that takes away the sin of the world. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. For us as the church, pour nous en tant qu'église, we find ourselves, nous nous retrouvons, in a very unique place, en une place unique, where we are now, où nous sommes. Also waiting for the midnight hour. Où nous attendons aussi l'heure de minuit. The Church of Christ in Cameroon. L'église de Christ au Cameroun. In Douala. À Douala. You find yourself now. Vous trouvez maintenant. In a very unique place. Dans une place unique. Where Israel was. Où Israël était. Whereby. Où. You also. Vous aussi. Are waiting for the midnight hour. Êtes en train d'attendre l'heure de minuit. You also. Vous aussi. Are waiting for the midnight deliverance. Attendez la délivrance de minuit. And the Lord is saying. Et le Seigneur dit. That right now. Que maintenant. Just as he told the house of Jacob. Juste de la même façon qu'il a dit à la maison de Jacob. When the midnight hour is near. Quand l'heure de minuit est proche. Nothing else matters. Rien d'autre n'a de l'importance. Oh, I was a bishop. Oh, j'étais un évêque. I was a senior pastor. J'étais un révérend pasteur. I was the worship leader. J'étais un leader de l'adoration. I used to baptize people. Je baptisais les gens. I laid my hands on people. J'imposais les mains aux gens. I constructed many churches. J'ai bâti plusieurs églises. He says. Il dit. When the midnight hour is near. Quand l'heure de minuit est proche. Nothing else matters. Rien d'autre n'a de l'importance. But what matters is one thing. Mais une seule chose a de l'importance. That when the midnight hour will strike. Que l'heure, lorsque l'heure de minuit va frapper. And Jehovah come. Et Jéhovah va venir. And he sees the church in Cameroon. Et il regarde l'église au Cameroun. And he sees the blood. Et il voit le sang. The perfect blood. Le sang parfait. Of the perfect Lamb of God. De l'agneau parfait de Dieu. Listen to me here. Écoutez-moi. Listen very well. Écoutez très bien. He says. Il dit. When the midnight hour arrives. Lorsque l'heure de minuit arrive. This is the hour. C'est l'heure. When the Church of Christ in Cameroon. Où l'église du Christ au Cameroun. Should be fully covered. Doit être totalement couverte. By the perfect blood. Par le sang parfait. Of the perfect Lamb of God. De l'agneau parfait de Dieu. And we know that for the church. Et nous savons que pour l'église. Christ Jesus. Jésus Christ. Is the perfect Lamb. Est l'agneau parfait. Of God. De Dieu. Without defect. Sans défaut. Without deformity. Sans déformité. Without mistake. Sans erreur. Without error. Sans erreur. What is the message to the church? Quel est le message à l'église? The Lord is saying. Le Seigneur dit. That he has sent me to Cameroon. Qu'il m'a envoyé au Cameroun. The Lord is saying. Le Seigneur est en train de dire. That he has sent me to Cameroon. Qu'il m'a envoyé au Cameroun. To announce to you. Pour vous annoncer. That behold. Que voici. This is the hour of the blood. Voici l'heure du sang. He's saying. Il dit. That pastors. Que les pasteurs. You must now change your gospel. Vous devez changer votre évangile. And go back to the gospel of the blood. Et retourner à l'évangile du sang. He says, il dit, only the gospel of the blood. Seul l'évangile du sang. Has power. A la puissance. Only the gospel of the blood. Seul l'évangile du sang. Has deliverance. A la délivrance. Only the gospel of the blood. Seul l'évangile du sang. Has the anointing. À l'onction. Only the gospel of the blood. Seul l'évangile du sang. Has eternity. À l'éternité. In other words. En d'autres termes. The Lord is saying. Le Seigneur est en train de dire. That I should come here. Que je vienne ici. And announce. Et j'annonce. That at this hour. Que à cette heure-ci. This is the hour. Voici l'heure. That was promised in the Bible. Qui avait été promis dans la when Bible. They say. When he had dit, the gospel of the cross.